Il a joué le petit garçon dans Godot de Kreschka il y a des années. Il était tout petit, il était tout modeste, il était tout discret. Il disait quelques mots, mais surtout, il faisait répéter dans la journée le grand Michel Bouquet. Et il a choisi Michel Bouquet comme maître. Et ce n'est pas n'importe qui, n'importe quoi. Il a soudain, étonné, intrigué, agacé, conquis, émerveillé, enthousiasmé. Il est passé par des métamorphoses assez sublimes qui s'appellent La Discrète, qui s'appellent Balzac, qui s'appellent Beaumarchais, bien sûr. Et puis, il a réveillé Céline et Flaubert. Aujourd'hui, il a calmé les éléments, il a arrêté la pluie, il a fait venir la France entière ici avec vous. Il est heureux de vous apporter la parole de Diderot. Fabrice Lucchini.